teintée foncée, des vêtements de prêt-à-porter. C'est dans mon cœur que j'aimerais te porter. My eye gaze, le vent dans tes cheveux défaits. Tu t'es dissimulé vers un ailleurs. J'aimerais te dissimuler. Peur et que l'on découvre ensemble les rues de difficulté. Thank you.